C'est la fête à Nathalie. On est tous là, c'est parti. C'est la fête à Madame Rochy. Même à Spartoo, c'est parti. Let's go! Et pour Nathalie. Toi, alors que t'es né en 2003 et pour Nathalie. Allez, allez, allez, allez. Allez, allez, et pour Nathalie. Allez, allez, allez. On veut les mains en l'air, on veut les mains en l'air. On veut les mains en l'air, en l'air, en l'air, en l'air. On veut les mains en l'air. C'est la fête à Nathalie. On est tous là, c'est parti. C'est la fête à Madame Rochy. C'est parti, c'est la fête à Madame Rochy. Même à Spartoo, c'est parti. Allez, on est chaud à Spartoo, on est même pas fatigué là. Et pour Nathalie, allez, allez, allez, allez, allez, allez, pour Nathalie, allez, allez, allez. On veut les mains en l'air, on veut les mains en l'air, en l'air, en l'air. On veut les mains en l'air, en l'air, en l'air, en l'air. On veut les mains en l'air. Un an de plus pour Nathalie, allez. Mais ça ne se voit pas. Allez. Tu la vois au volant de sa DS3 et pour Nathalie. Allez, allez, allez, allez. Allez, allez, pour Nathalie. Allez, allez, allez. On veut les mains en l'air, on veut les mains en l'air, en l'air, en l'air. On veut les mains en l'air, en l'air, en l'air, en l'air. On veut les mains en l'air. Et pour Nathalie. Allez, allez, allez, allez. Allez, allez, pour Nathalie. Allez, allez, allez. On veut les mains en l'air, on veut les mains en l'air. Madame Rochy, même à Spartoo, c'est parti. Et pour Nathalie, allez, allez, allez.